Hey ya. Je reviens sur le marché comme un pump pour la patte des wings. Je suis un tease mais je meurs pas avant le milieu du film. Je suis de l'époque que j'ai cousu sur le côté du jean. J'ai sorti les teams, j'ai 76 rares minésimes. Toujours in, c'est inné, qui sont les frères ou sont-ils? Tu veux que je leur parle de Little, ils ne connaissent pas ils. Refais ton éducation, quelle que soit ta génération. Combien sont bloqués dans une époque, j'aime trop l'évolution. Tu crois que technique de fou, je n'ai qu'un sous maître Gims. Comme un cariné à Paris, Dominique Wilkins. Sans connaître John Kemp, ils ont kiffé Black Griffin. Dark est devenu ton père, oublie Anakin. Même si on sait que Barbie aimait trop Pekin avec mon Big Jim. Moralité, une tête de plus t'empêche pas d'être une victime. Old school, new school, là n'est pas la question. Qu'il y ait du buzz ou non, sache que tu subiras la sanction. J'ai la pêche comme en 90. Premier texte dans ma chambre à Bagneux. J'avais 14 piges, 24 ans plus tard sur écran tactile. Suis ma Yves, mon temps, là j'peux le saigner sur un gros Mic 1000. En pissant sur un puriste, t'es pas plus hip hop que moi. Pur sans vu le pénis, tu vas prendre la touche, je crois. T'es comme un pénis, t'es loin enflammé, je le noie. Qu'on envoie ma playlist, peur à mal, le ya, j'déploie. Yeah. J'peux passer d'un indigo à Kendrick Lamar. T'es faux sur la piste, t'es sur la scène, t'es rentré dans l'art. Une espèce rare, file-moi un caillon ou une guitare. Mes armes et mes smokers, j'ai ma saphonie pour un pétard. Parental advisory, faut le permis, poids lourd. Instagram, Irene the Dream, tu vas plus voir le jour. Instant de drame, c'est l'heure de crime, tu vas plus voir le jour. T'attends pour cramer court, du soir de rime, c'est à qui le tour. J'ai traversé les temps, les modes en baignant dans l'inédit. Vrai peur assorti de ma bouche et du pain béni. Comme te balle des necks sur scène, mon flow est chorégraphie. C'est trop, tu crois que j'ai un jumeau, seul à l'échographie. Public Enemy number one. À l'époque, j'ai essayé de décrocher l'horloge et wham. Même si parfois dans ma vie, le pop s'éloigne. J'ai bien compris que jamais la passion ne se soigne. À l'aise sur n'importe BPM. Classique boom bap sur un gros somme, c'est le thème. Et si tu crois que tout le projet est old school, je te dis maintenant. Cette époque de 90, je l'ai déjà vécu pleinement. Est-ce que je respecte plus les anciens ou les nouveaux? Dans les deux cas, je ne respecte que le niveau. Ce que les twins font avec leur corps, je le fais avec ma voix. C'est une rencontre avec l'autre, moi. This way you act.